Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Franquin, géant de la BD et père de Gaston Lagaffe. Mon papa ne riait pas beaucoup. J'avais des parents qui ne riaient pas, qui ne sautaient pas. Et moi, ça me manquait beaucoup, c'était vraiment un besoin, un manque, vraiment. Dessiner est une activité d'enfant, hein. Les enfants dessinent et s'amusent, et moi, je vais continuer. Dessiner pour tromper l'ennui et s'amuser un peu dans une famille où on ne rit pas assez, André Franquin va se mettre très tôt au dessin et son talent est si grand que même son très sérieux père va le remarquer rapidement. Franquin deviendra l'un des plus grands dessinateurs de son temps. Il nous laissera de magnifiques personnages, parmi lesquels, bien sûr, son célèbre Gaston Lagaffe. Dessiner? Alors, je dessine mon personnage de Gaston, mon gaffeur. Il y a longtemps qu'il existe, celui-là? Oh, ça va faire 17 ans. C'est un gaffeur, c'est un Belge? Oh, ça n'est pas spécifié. Non, mais les bandes dessinées, en dessinant les bandes dessinées, on se dessine. Et je crois qu'on fait son propre portrait en faisant. Oui, on dessine un monde imaginaire qui, en somme, est un monde... On dessine son propre caractère rêvé dans les bandes Est-ce dessinées. Est-ce que Gaston, c'est vous? Je le crains un peu. J'espère que ce n'est pas trop ressemblant. Est-ce que vous êtes vraiment gaffeur? Non, je ne crois pas que je suis gaffeur. C'est pas dans ce domaine-là. Mais je crois que Gaston réalise des choses que je n'ai pas eu l'occasion de réaliser moi-même. Il bricole beaucoup. Il ne fait que ce qui l'amuse. Il est totalement rétif à tout travail ennuyeux. Je crois que Gaston est un peu à ma place, en effet, dans un monde plus fantaisie que le monde réel. André Franquin, qui répond aux questions de Lise Payette en 1974, pour faire le portrait de Franquin, notre complice en matière de bande dessinée, le comédien et fou de BD, Jean-Dominique Leduc. Jean-Dominique Leduc, bonjour. Bonjour. Un plaisir de vous retrouver. Pour parler d'un très beau personnage, encore une fois, d'un très grand talent, Franquin, un talent qui arrive, on l'entendait au tout début de l'émission, qui arrive très, très tôt. Le goût du dessin et son talent extraordinaire, très tôt, ça arrive dans sa vie. Oui, d'ailleurs, à l'âge de 5 ans, Franquin réalise une illustration sur une petite ardoise et son père, au retour du travail, voit l'ardoise et, impressionné, apporte l'ardoise chez un photographe pour faire prendre le dessin en photo. Et donc, il fera par la suite encadrer le dessin et la posera au mur. Et ça, dans l'esprit de Franquin, ça change tout. Oui. Parce que ça encourage ce jeune garçon à poursuivre dans le dessin et toujours dans cette quête de plaisir. Toujours. Et tout au long de sa carrière, d'ailleurs, ce sera une quête, mais ce sera aussi un combat, cette recherche du plaisir. Mm-hmm. Parce qu'elle lui échappera en partie, puis on le verra, il sera associé très, très longtemps à des personnages que vous connaissez, en fait Spirou, Fantasio, et c'est un peu une commande, on y vient dans un instant, mais le plaisir, il viendra, le vrai plaisir, il viendra plus tard, puis on l'entendait, c'est pas un hasard, Lise Payette lui parlait de... Quand on pense à Franquin, on pense tout de suite à Lagaffe, ça, ce sera le grand amour de sa vie. Commençons par le début, quand même, on y arrivera à ce beau personnage de Lagaffe. Il commence sa carrière au studio CBA en 1944. C'est important, Jean-Dominique Leduc, pour une raison très simple, c'est tout le temps comme ça que ça se passe, c'est les gens que vous rencontrez. Et dans ce studio, déjà, il rencontre des gens qui vont être déterminants pour lui. Oui, notamment Maurice, le créateur de Lucky Luke, et Peyot, le créateur des Schtroumpfs. Parce qu'à l'époque, c'était la manne, l'animation, c'était les débuts, les soubresauts, mais il y avait un grand potentiel d'emploi et donc de cette possibilité de gagner sa vie. On est à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On est quand même dans une période d'instabilité politique et économique, mais quand même, il y a là un secteur d'activité un peu comme l'équivalent aujourd'hui des jeux vidéo, c'est-à-dire que très, très foisonnant. Et Franquin, donc, ira là. Ouais. Ira là où le vent le porte. Et ce sera son premier boulot, en fait, l'animation. Entouré de grands en plus. Tout à fait. Donc là, la piqûre, vraiment, on vient de lui implanter solidement dans le bras. Et ça va se continuer. 46, deux ans plus tard, déjà en 46, il fait son entrée aux éditions Dupuis. C'est pas rien, ça, à l'époque. Et il va rencontrer, c'est pas rien non plus, Joseph Gilin, qu'on appelle Gigé. Quelle importance, qui est Gigé en un mot, puis quelle importance il aura pour Franquin? Alors, Gigé, c'est un artiste peintre qui fait aussi de la bande dessinée et... Il aura repris le personnage de Spirou, du créateur Rob Vell. Donc, c'est le deuxième vraiment à animer les aventures de Spirou dans le journal éponyme. C'est un homme qui a énormément de bagout, qui prend énormément de place, qui a une très grande assurance. C'est aussi un très, très grand maître. et qui ouvrira d'ailleurs la porte de sa maison à ces jeunes dessinateurs. D'ailleurs, pour l'anecdote, il recevra chez lui, dans sa chambre à coucher, la chambre à coucher de son épouse et de lui. Donc, on enlève les matelas, le lit, table de chevet, on installe des tables de dessin et iront là apprendre, notamment Maurice, Peyo et Franquin. Il va les amener aux États-Unis, en tout cas Franquin, à un moment donné, va suivre aux États-Unis. Oui, oui, tout à fait. Et ce sera pour Franquin une rencontre déterminante. Ce sera un très, très grand maître. Et d'ailleurs, Jigé, voyant le potentiel de Franquin, parce qu'il avait l'œil, décide de lui refiler Spirou. Ouais. Parce que Spirou ennuie un peu Jigé, et Jigé a envie de se consacrer à sa série Don Bosco, notamment. Et donc, Jigé, et donc Franquin se retrouve avec Spirou, qu'il n'a jamais lu. Hein. Alors, il s'installe à sa table à dessin, il n'a jamais lu une seule aventure de Spirou. Et d'ailleurs, rapidement, la panique le prend. Et il a l'impression qu'il n'y arrivera pas, tente de refiler ça à un collègue dessinateur. Et finalement, après coup, il s'installe et se lance dans Spirou. Et ce qui est extraordinaire, c'est que n'eût été de Franquin, vous et moi, Jacques, aujourd'hui, ne parlerions pas de Spirou. Ouais. Parce qu'il aurait probablement sombré dans l'oubli. Parce qu'il va le développer, ce personnage-là, énormément. C'est pour Franquin, même s'il va s'enlacer lui aussi, puis on y reviendra dans un instant, mais ouais. C'est quand même l'aventure de Spirou et Fantasio, 19 albums en 23 ans ouais. qu'il va faire évoluer. L'univers de Spirou va évoluer. Ah, tout à fait. D'ailleurs, du point de vue graphique, très, très rapidement, on sent que l'emprise de Jigé disparaît. Ouais. Et il se forge une propre personnalité graphique. Et donc, il va explorer énormément, tant dans les tons. Alors, il va, pour un album, par exemple, comme La Mauvaise Tête, c'est carrément un polar. Après ça, il va toucher au documentaire avec Le Nid du Marsupilami. Donc, il va vraiment explorer au niveau des genres, au niveau graphique aussi. Rapidement, il va se débarrasser du gaufrier. Vous savez, la fameuse grille de 6 cases par page, de même format. Lui, il va carrément faire éclater la page. Il ne va pas tenir compte non plus de la pagination. Franquin, c'est un électron libre. Hein? Donc, alors, s'il met 47 pages pour raconter une histoire au lieu de 62, alors il complétera avec une seconde histoire plus courte. Mmh. Alors, et il va créer aussi, et surtout, une batterie, une brochette de personnages secondaires qui vont vraiment élever cette série-là, notamment le comte de Champignac, ouais. Zorglub, le fameux méchant maladroit, qui préfigure un peu Gaston Lagaffe, d'ailleurs, mmh. et qui va créer Le Marsupilami, oui. qui est un personnage extraordinaire. Et qui va donner un album, qui va devenir un album culte en 57, Le Nid du Marsupilami. Ça agace un peu Franquin qu'on parle autant de cet album, parce que pour lui, c'est un petit peu un truc qui est comme hors série. Pourquoi, cela dit, c'est un album si important? Parce que c'est une première. On n'a jamais vu... Et parce qu'il faut remettre en contexte. Spirou, c'est une série jeunesse. La bande dessinée s'adresse à cette époque-là en Europe exclusivement à des lecteurs jeunes, à de jeunes lecteurs, donc un lectorat jeunesse. Et Franquin arrive avec un genre qu'on n'a jamais vu, le documentaire. Et en plus, ce qu'il fait, c'est très, très audacieux. La série s'appelle Spirou et Fantasio. On les voit pratiquement pas de l'album. Et on s'en va en pleine forêt palombienne et on suit les aventures du Marsupilami, mais vraiment de sa vie familiale. J'imagine qu'à l'époque... Et on est dans le monde animal. Ah, hein? Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est toujours présent dès son enfance, le monde animal chez Franquin. Oui, et ce sera vraiment poussé à l'extrême dans Gaston, on le verra plus tard. La présence animalière est très, très importante chez Franquin, non seulement comme ressort comique, mais dans ce cas-ci, avec le Marsupilami, c'est un ressort poétique. C'est formidable, c'est du jamais vu. Et d'ailleurs, cet album-là, il l'aura réalisé pendant la grossesse de sa femme, donc pendant qu'elle portait leur fille Isabelle. Ouais. Et il fait cet album donc en 57. Il y a une petite parenthèse, en fait, dans sa carrière. Il va être en brouille avec Dupuis entre 55 et 59. Et il va créer, donc, parallèlement, en plus du Nid du Marsupilami, il va créer la série Modeste et Pompon. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que ça va donner, cette fameuse série? Alors, encore là, c'est formidable parce que Franquin touche à un type de bande dessinée qu'il n'a jamais fait, soit le gag. Parce que Spirou, ce sont de longues aventures. Modeste et Pompon, ce sont des gags en une seule planche. Alors, il n'a jamais touché à ce médium-là, à ce type de bande dessinée-là. Lui viendront en aide notamment Goscinny et Greg au niveau de la scénarisation. Mais il fait, Franquin, ses gammes en fonction évidemment de l'avènement de Gaston. C'est-à-dire que il va vraiment explorer ce genre narratif-là du gag. Très bien d'ailleurs. Oui. Quand on relit aujourd'hui Modeste et Pompon, c'est vraiment, vraiment, vraiment formidable. Il y a aussi l'idée du design qui est très, très présent chez Franquin. C'est un homme qui s'intéresse au beau, qui s'intéresse à l'objet. Et Modeste et Pompon, il va s'intéresser au design des meubles, des voitures, des vêtements aussi, de la coupe des vêtements. Et donc, tout ça, pendant qu'il continue de faire Spirou. Donc, il est sur deux séries de titres chez... deux concurrents, donc le journal Spirou, le journal Tintin, ça c'est du jamais vu, c'est du jamais vu à l'époque. Et c'est ce qui va contribuer notamment à cette grande fatigue-là, à ce grand épuisement-là qui surviendra quelques années plus tard. Oui. Il est gros bosseur, on le comprend bien à vous entendre. Il est aussi, c'est doublement pénible quand on est un gros bosseur, mais qu'en plus on est ultra critique de son propre travail. Et c'est vraiment son cas. C'est un fou perfectionniste. On écoute à ce sujet Roba, le créateur de Les Billes à l'émission belge L'Hebdo en 1997. J'ai jamais vu de ma vie un dessinateur aussi difficile pour lui-même, d'abord. Ben, j'ai vu Franquin déchirer des choses, comment dirais-je, adorables, faramineuses, comme dessin. Mais Franquin, il est tellement soucieux, trop, à mon avis, trop parfois. Et je l'ai vu déchirer des trucs qu'il mettait au panier. Je dis, si j'avais pu les récupérer, j'aurais dû les récupérer. Il le recollait après au scotch tape. Jamais content de son travail, vraiment un perfectionniste. De fait, Jean-Dominique Leduc, il n'aime pas vraiment son dessin. C'est terrible. C'est terrible parce que c'est un grand maître. D'ailleurs, Hergé considérait Franquin comme le plus grand illustrateur de bande dessinée. Franquin, je crois, a souffert en partie du fait qu'il était reconnu seulement comme auteur de bande dessinée jeunesse. Parce qu'à cette époque-là, Hergé a une reconnaissance internationale. Alors que Franquin, somme toute, bon, il bosse dans deux journaux jeunesse à l'époque. Mais bon, il est d'abord et avant tout mauvais juge de son propre travail. Et c'est terrible. Et ce sera un boulet toute sa vie. Mais c'est aussi ce qui le mènera à se surpasser constamment. Parce que c'est un dessinateur jamais en reste. Quand on replonge dans des planches de Franquin, on sent à quel point il est en ébullition et à quel point il veut satisfaire d'abord le lecteur. Mm-hmm. Parce que lui, il ne se satisfera jamais. C'est impossible. Et c'est terrible. Il y a une telle générosité dans le travail de Franquin que ça en est profondément touchant. Moi, je relis encore Franquin aujourd'hui en riant beaucoup, mais avec aussi une espèce de vague à l'âme, sachant évidemment ça. Nous voilà à la porte du célèbre Gaston Lagaffe, le personnage farfelu des bandes dessinées pour adultes et adolescents. Mais où est donc ce fichu Gaston? Il doit encore se cacher dans son armoire pour se sauver du travail. Ah, si je l'attrape, celui-là, je vais lui faire avaler son désordre. Mais qui se permet de lire les 12 albums de Gaston Lagaffe que je viens tout juste d'acheter à la librairie? Gaston! Mon enfant! Gaston Lagaffe, quand et dans quelles circonstances apparaît ce fameux personnage de Gaston Lagaffe? Ce qui est formidable, c'est que à l'époque, l'éditeur du journal Spirou, c'est Yvan Delporte. Alors les deux types sont de grands amis, prennent un verre dans un pub et se disent « ce serait vraiment marrant de développer un personnage qui viendrait semer la pagaille dans le journal et qui vraiment entrerait dans les pages de garde, se promènerait, mais qui ne deviendrait pas un personnage de bande dessinée. » Et les deux types se sont trouvés très drôles. Delporte dit « d'accord, feu vert, on y va ». Et ça va susciter une telle réaction qu'en fait, malheureusement, pour eux, ça va se solder par un échec, dans un sens, parce que Gaston va vite devenir un personnage de bande dessinée, mm-hmm. parce que les lecteurs en redemandent. Et c'est à ce moment-là que Franquin va vraiment trouver sa liberté. Ouais. Parce qu'il faut se rappeler que le personnage de Spirou appartient à l'éditeur. C'est pas un... Donc, c'est un personnage qui est constamment passé d'un créateur à l'autre. Et là, lui, il le crée de toutes pièces et il s'éclate. Ouais, c'est là, en fait, c'est en 68 que Franquin fait ses adieux à Spirou, ouais. à Fantasio. Et c'est vraiment, effectivement, pour lui, l'éclatement qu'il attend avec Gaston, la libération, le devoir accompli. On écoute justement un petit extrait qui nous décrit un petit peu son état d'esprit quand enfin... il peut se consacrer entièrement à Gaston Lagaffe. Gaston, y a le téléphone qui sonne et y a jamais personne. Il y avait le bureau où on travaillait, l'atelier où on travaillait. Il y avait un mur qui nous séparait parce qu'il y avait une grande baie. Et lui était d'un côté de la baie, moi j'étais derrière la baie de l'autre côté, donc on ne se voyait pas. Et j'entendais des fous rires quand, tout seul, il dessinait des gags de Gaston. Il avait un fou rire qu'il n'avait plus pour Spirou, par exemple. Il en a eu marre de Spirou parce que c'était pas son bébé, parce que c'était pour lui un devoir. Et que tout d'un coup, il a dit, mais pourquoi je devrais faire des devoirs? Sur la chanson Le téléphone de Nino Ferrer, vous entendiez les dessinateurs JDM et Yvan Delporte à l'émission belge L'Hebdo en 1997. C'est vraiment, Jean-Dominique Ledieu, vous l'aviez dit, mais Gaston, c'est le bonheur pur qui arrive pour, dans la vie de Franquin. C'est son personnage, c'est la libération de Spirou, ouais. La jubilation. Oui, et c'est aussi, par le fait même, quand on lit Gaston avec le recul, on sent aussi qu'il y a un investissement personnel. C'est une œuvre profondément personnelle, alors qu'il est dans un contexte de journal où on pond des séries à la chaîne. Je pense que la notion d'auteur et de création s'applique très bien à Gaston. Parce que, tranquillement, Franquin va y mettre du sien de plus en plus. Son rapport antimilitariste, par exemple, son grand amour des animaux, de l'écologie, il va se mettre au service de ces causes-là. Il va mettre, en fait, son personnage de Gaston au service de ces causes-là. Même s'il s'en est défendu longtemps, on sent bien quand même qu'il y a un investissement personnel en ce sens-là. Ils se nourrissent l'un l'autre. On revient à cet extrait qu'on entendait au début de l'émission, quand Lise Payette lui disait « Mais Gaston, c'est vous. Oui, mais non, mais oui aussi, à certains égards. Qu'est-ce qui fait que ce personnage-là va connaître un si grand succès et est aussi formidable? » Premièrement, parce qu'il est drôle. Il est drôle et ce sont des gags qui s'adressent à plusieurs générations de lecteurs en même temps. Et c'est ça qui est formidable et c'est ça le génie de Franquin. C'est qu'on ne rit pas aux mêmes endroits selon l'âge qu'on a en les lisant. Et je ne parle pas tellement de second degré au niveau de l'humour que vraiment simplement son rapport à ces gags comme lecteur, à la maturité, à cette espèce de clin d'œil aussi, on sent que Franquin est à la fois un très, très grand gamin, un éternel gamin, mais c'est aussi un homme qui souffre aussi profondément derrière ça. Et je pense que ça rejoint donc conséquemment une très grande palette de lecteurs. Et ce sont des gags qu'on rit toujours et autant. C'est indémodable. Ouais. Ce gamin, c'est intéressant que vous le présentiez comme ça, parce que ce gamin qui devient un homme, il y a un petit moment dans sa vie qui va très, très bien l'incarner. C'est 1974. Franquin qui devient donc le premier lauréat du Grand Prix d'Angoulême, le gamin qu'on récompense comme un grand qu'il est devenu, mais il a un malaise. La reconnaissance, le succès, il ne sait pas comment composer avec ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que c'est un homme qui a été programmé très jeune à être modeste dans une certaine mesure. Et je pense aussi que c'était une dualité chez Franquin. On sent ce désir de reconnaissance-là, mais du coup, lorsqu'elle arrive, la reconnaissance, il s'y refuse. Un peu ce sentiment d'imposteur-là. Et dans un des extraits d'ouverture, il disait « Ouais, mais c'est un travail de gamin dessiné. » Alors que quand on regarde ses planches, c'est pas gamin, c'est du très, très grand art. Alors, cette dualité-là va le suivre jusqu'à la fin de ses jours. Et malheureusement pour lui, parce que ça l'aura freiné dans une certaine mesure. Et j'imagine que pour lui, de porter ce fardeau-là, ça devait être très, très difficile. Ouais. Surtout quand on reçoit de tels honneurs. C'est quand même pas rien. Le premier festival international d'Angoulême, on lui remet les clés du 9e art. Mm-hmm. Ce n'est pas rien. Et il est reconnu par tous ses pairs. Par les plus grands. Ah oui, tout à fait. Et c'est une charge d'amour telle. Et on sent qu'il a du mal à composer avec ça, et c'est triste. Ouais. C'est pas fini, cela dit pour lui. Oui, un hommage extraordinaire en 1974, mais il n'a pas encore terminé sa carrière, loin de là, parce qu'il y aura cette série très singulière, très audacieuse, qui va arriver en 1977, Les Idées Noires. Qu'est-ce que c'est, Jean-Dominique Leduc? Rien de moins qu'un autre chef-d'œuvre. En fait, ce sont des gags humoristiques, mais à l'humour très, très caustique. Donc, ce qu'il a amorcé comme exploration dans Gaston, les thèmes antimilitaristes, les thèmes écologiques et tout ça. Alors là, vraiment, il va plonger dans l'humour le plus sombre. Et d'ailleurs, Franquin disait, pour définir ce qui était Les Idées Noires, en fait, il disait que c'était Gaston trempé dans la suie. Ah oui? Et c'est carrément ça. L'image est belle, en tout oui, cas. Oui, et on rit jaune, on rit noir, on rit parfois de travers. Mais et ce qui est encore une fois une très grande marque de son génie, c'est qu'on relie les idées noires aujourd'hui, et c'est constamment actuel. Et au niveau du dessin, alors là, vraiment, il se surpasse. Parce que, et c'est là qu'on voit à quel point c'est un très, très grand maître. Quand on regarde une planche en noir et blanc, c'est là qu'on prend la pleine mesure du talent d'un illustrateur, de sa maîtrise, de la luminosité, de la mise en scène. Et les idées noires, c'est un pur délice pour les yeux. Et en même temps, c'est terrible lire ça, parce qu'on rit, mais en même temps, on a envie de pleurer. Mm-hmm. Tellement c'est dur, en fait. Ouais. C'est caustique, c'est dur, oui. C'est sombre, c'est noir. Tant et si bien que sa fille Isabelle, à un moment donné, va être troublée même parce que quand elle regarde les idées noires en se disant « mais ça sort de la tête de mon père ». Puis ça nous amène au fond à parler du côté plus sombre que lui-même portera en lui toute sa vie. Un peu comme Hergé d'ailleurs, dont vous nous avez déjà parlé dans une autre émission, mais la dépression qui va suivre Franquin périodiquement. Ben, tout à fait. Un peu comme Hergé, d'ailleurs, il y aura une des causes, sera le surmenage. Oui. C'est-à-dire que Franquin, on imagine mal aujourd'hui ce que ça représente, mais réaliser 4 à 5 planches par semaine pour une série, alors lui, dans son cas, c'était doublé, c'est un travail de fou. Oui. Et sa santé va y passer. Et en plus, ajouter à ça, justement, cette espèce de syndrome de l'imposteur, qui rend encore cette démarche-là encore plus difficile. Et c'est un homme, donc, qui vivra toute sa vie avec le doute et qui sera frappé de façon épisodique par la dépression, notamment. Oui. Qu'est-ce qui reste de ce grand bonhomme sur lequel, un peu étrangement, il s'est écrit très peu de choses, mais qu'est-ce qu'on retient de lui? Qu'est-ce qui reste de lui? Je pense qu'on peut dire qu'il incarne à lui seul la bande dessinée franco-belge. Quand on pense à la bande dessinée européenne, on pense à Tintin, mais on pense aussi à Spirou et on pense à Gaston. C'est un homme qui aura laissé une charge de travail considérable, qui aura élevé les standards de la bande dessinée mon Dieu, à un niveau inatteignable. Hein? Il y a encore de jeunes auteurs aujourd'hui qui lisent Franquin avec beaucoup d'appréhension par rapport à leur propre travail, parce que c'est un génie du dessin. Et Hergé avait raison de dire que Franquin était un meilleur dessinateur que lui, parce que dans les faits, au niveau technique, c'est vrai. Alors, il reste une œuvre incommensurable dans laquelle on peut replonger encore avec énormément de plaisir et qui plaira aux futures générations, comme cette œuvre-là plaît à, disons, des plus vieux comme moi. Mon vieux, Jean-Dominique Leduc, vieux complice quand on parle de BD aujourd'hui l'histoire. Merci beaucoup, Jean-Dominique. Merci beaucoup, Jacques. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.